있으세요? 왜? 왜? 혹시 있으세요? 괜히 있으세요? 왜? 왜? 혹시 있으세요? 라, voilà la mixtape, t'es prenant comme un album. Il fallait que je le fasse, c'est ainsi qu'elle se nomme. Depuis que j'en parle, il fallait que ce soit énorme. Depuis que c'est la crise, il fallait que ce soit gratuit. J'en avais trop la tête, alors j'ai tout écrit. J'avais tant de choses à dire, il fallait que je le crie. J'avais un stylo incarné, j'ai fait chaud un micro. La musique m'a aidé, j'en suis devenu accro. J'en ai fait ma passion, ma vie, ma maison. Je pourrais me marier rien qu'avec mes chansons. J'entends battre son cœur à travers le caisson. Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Avec elle, j'ai bu des têtes, putain, j'en ai fait descendre. Elle est là à mon réveil, elle est omniprésente. Je l'aime, c'est ma merveille, donc je vous la présente. Elle s'appelle rap, rap, musique. Des oreilles, c'est ça qu'elle nique. Elle arrache, c'est la technique. Avec elle, y'a pas d'être minique. Elle appelle, ça, ce sont les rimes. Ça fait eh, eh, eh, oh, ouais, ouais, ouais. C'est ma signature, tu l'avais remarqué. Comme un coup de ceinture, mon sang va te marquer. Et ça va te faire mal. Et si tu kiffes pas, tu sais ce qui te reste à faire. Et si je fais tout ça, c'est d'abord pour moi et les frères. Parce qu'il fallait que je le fasse, fallait que je ma gueule. Fallait laisser une trace, fallait pas que je recule. Fallait passer en dernier pour que personne ne m'encule. Fallait le faire gratuit parce que les sous y'en a plus. C'est la mixtape, pas NICO. Pas d'excuse mec, c'est 0 euro. Musique ma belle, au moins t'es pas infidèle. J'en ai pas, c'est des nuits blanches à écrire sous ta chandelle. Tu demanderas pas le divorce. Avec toi, j'aurai pas de gosse. Tu me payes pas, mais pour toi je bosse. Je tape dedans comme un féroce. Quand je suis vénère, je nique ta race. Mais tu n'as jamais de boss. On a fait chez les voisins quand tu m'as mis tes coups de basse. Boum, boum, boum, boum. Eh, hey, mais dis donc, c'est pas fini ce bordel là. Non, ça vient de commencer. Jamais être à fond, t'es comment que c'est. C'est juste l'introduction. Ça va faire du bruit. C'est ça ta déduction. Alors je te réponds. Ouais. NICO 5-7 pour si c'est beau. Et NICO 5-7 pour si c'est beau. Et si tu kiffes pas, tu sais ce qui te reste à faire. Et si je fais tout ça, c'est d'abord pour moi et les frères. Parce qu'il fallait que je passe, fallait que j'ouvre ma gueule. Fallait laisser une trace, fallait pas que je recule. Fallait passer en dernier pour que personne ne m'encule. Fallait le faire gratuit parce que les sous y'en a plus. C'est la mixtape, pas NICO. Pas d'excuses mec, c'est 0 euro. C'est parce qu'il fallait, ouais. Parce qu'il fallait, c'est parce qu'il fallait, ouais. Parce qu'il fallait.